j'avais rêvé et c'était fou. Et tu n'es pas venu et c'était tout. Pas de mots chuchotés, de raison. À quoi bon expliquer le vide? Est-ce que je vivais? Je ressentais peut-être étage, seul conscient du soupçon d'humanité subsistant. Tu n'es pas venu et c'était tout. Ton portable a dû griller, il a dû tomber dans un gouffre, dans les profondeurs. Une lueur avec ton mot d'excuse sur l'écran qui n'est jamais parti, qui s'est effacé comme un écho. Tu n'es pas venu et c'était tout. Tu n'étais pas la seule après tout. Personne n'est jamais venu, personne n'a jamais rien dit. Mais je sens ce vide qu'il craigne, il souffle dans mes entrailles si fort que je n'entends plus les voix, celles qui mentent ou chuchotent pour ne pas blesser. Mais elles blessent, elles me renversent et je me retrouve sur le dos à contempler le ciel qui commence à tomber, qui commence à tomber, qui commence à tomber.